Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bon, bah alors je te laisse parce que ça c'est très bien pour toi. T'as vu mes belles fleurs, oh, maman? Oh. Ils sont déjà vieux là, mais c'est de les acheter à voilà, ça me dit, elles sont très jolies. Hein. Tu vois les couleurs là? Et j'ai mis le dessus de table, donc ça fait très beau. Et là, elle est super gentille parce qu'elle amène Zéperi et son ami au cinéma et tout ça. Et regarde là, on a trouvé une autre guitare là, putain. Regarde, on est une belle maison là. Oncle papa. Hein. Bon, écoute, je te laisse. Parce qu'ici. Mais on s'en fout de la Saint-Valentin, c'est pas ça, elle est passée. Yeah, c'est le reste, c'est pas. J'en ai marre, moi aussi. Oui. Bon, ils sont venus, il a bien réparé le devant, il manque un tout petit peu derrière, là il faut payer. Là, ok? Des vies, Fabien. Je te donne toute la facture et tu payes le reste. Tu peux garder si tu veux encore ses leçons jusqu'à ce qu'il est revenu pour la dernière petite touche de couleur là. Et c'est tout. Non, Fabien, non. Alors voilà, là je regrette, on veut plus. J'ai fait une petite remarque et tu tournes tout contre moi. Non, je suis pas d'accord. Tu payes maintenant les 4 000 qu'il faut et c'est fini. Et après, amuse-toi, bisous, il neige et il fait froid ici, c'est ça m'énerve, là, c'est le mauvais moment. Là, on en a vraiment marre. Bisous, salut, Fab. Bisous. Thank you. Thank you.